Psaume 32. Machil de David. Oh, que bienheureux est celui de qui la transgression est pardonnée, et dont le péché est couvert. Oh, que bienheureux est l'homme à qui l'Éternel n'impute point son iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand je me suis tu, mes os se sont consumés, et aussi quand je n'ai fait que rugir tout le jour. Parce que jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été, c'est là, je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je ferai confession de mes transgressions à l'Éternel. Et tu as ôté la peine de mon péché, c'est là, c'est pourquoi tout bien-aimé de toi, te suppliera autant qu'on te trouve, tellement qu'en un déluge de grandes eaux, elles ne l'atteindront point. Tu es mon asile, tu me gardes de détresse, tu m'environnes de chants de triomphe, à cause de la délivrance, c'est là, je te rendrai avisé, je t'enseignerai le chemin dans lequel tu dois marcher, et je te guiderai de mon œil. Ne soyez point comme le cheval, ni comme le mulet, qui sont sans intelligence, desquels il faut émuseler la bouche avec un mors et un frein, de peur qu'ils n'approchent de toi. Plusieurs douleurs atteindront le méchant, mais la gratuité environnera l'homme qui se confie en l'Éternel. Vous, justes, réjouissez-vous en l'Éternel, égayez-vous, et chantez de joie, vous tous qui êtes droits de cœur.